Une simple injection pour oublier la douleur se transforme en dépendance, te fait voir toutes les couleurs. Tu regrettes, tu peux pas changer toutes les erreurs. Le corps humain est faible et rempli de stupeur. Un simple anniversaire où des gens veulent s'amuser. Tu veux tester une pilule sans croire en abuser. T'as pas de bol, tu tombes sur des tasses surdosées. Plus de souffle pour les bougies car en paix te reposer. Cousin, l'alcool et le tabac ont toujours créé des crises. Mais tu m'as toujours dit, t'inquiète, je maîtrise. Le bédo s'est rajouté aussi vite que la méprise. La ligne droite devient un cercle, tu suis prise, surprise. Faut l'admettre que sur la terre c'est un gros bordel. Tout le monde achète des armes et les cœurs se gèlent. Toute notre vie est poursuivie de faits réels. Toute notre vie est remplie de produits mortels. Cocaïne, héroïne, hashish, marijuana, mescaline, LSD, ecstasy, alcool et tabac. Produits mortels qui nous donnent du rêve pour échapper au réel, pour peu qu'on en crève. Cocaïne, héroïne, hashish, marijuana, mescaline, LSD, ecstasy, alcool et tabac. Produits mortels qui nous donnent du rêve pour échapper au réel, pour peu qu'on en crève. Il était clean, propre, net et sans bavure. Ses petites lunettes, aucune trace ni rayure. Le genre de mec toujours prêt à rendre service, à l'écoute de ses proches et cela sans aucun vice. En gros, donc c'était un mec bien. Mais tout peut changer du jour au lendemain. Sa vie a basculé quand il a touché à la poudre. Entre elle et lui, ça a été pire qu'un coup de foudre. Depuis ce jour-là, ouais, il a bien changé. C'est plus le même homme, 24 H le nez chargé. Ses soi-disant amis ont disparu un par un. Il a coupé les contacts, il en a plus besoin. Pour couronner le tout, il s'est fait virer de son taf. Plus de maille, plus de cam, il dort sur la paillasse. Trop de merde dans sa vie. Devant la difficulté, il oublie, il fuit. Cocaïne, héroïne, hashish, marijuana, mescaline, LSD, ecstasy, alcool et tabac. Produits mortels qui nous donnent du rêve pour échapper au réel, pour peu qu'on en crève. Cocaïne, héroïne, hashish, marijuana, mescaline, LSD, ecstasy, alcool et tabac. Produits mortels qui nous donnent du rêve pour échapper au réel, pour peu qu'on en crève. Attention à la montée, tout dit fournisseur, Kaiser pour rouler, toujours deux pour fumer, des grosses lattes, fais la bien monter, de droite à fait tourner, à consommer avec des associés, car aux crevards qui veulent en profiter sans jamais rien rouler au cours de la soirée. T'es haché, teston, marocain ou carton, selon la livraison, la fume est une passion, la fume c'est l'illusion pour empêcher aux putain de mission, missionnaire pour un produit qui contrôle 14 millions de la population. T'as goûté la scène, c'est la patate de Kaiser Sosé, en état ce qu'on vient proposer. Effrité, calé le ton car il est posé dans OCP. Un mélange suspect, ton corps va apprécier. Tes neurones vont se dissimuler. En 16-9ème tu vas regarder. Amoureux d'un produit qui trempe à rano. Amoureux d'un produit importé par les ro. Les meilleurs cultivateurs, peu d'eau. À la witch, j'suis accro, ro. Natural, car masse au flow. Casse osé d'un vide pour un kiffier. Une spatiale expérience pour ton cerveau. Des trucs poulettes pour ton polo. Petit délire entre poteaux. Win, spliff, Marlboro. Tous les joints se fument, libre et go. Cocaïne, héroïne, hashish, marijuana, mescaline, LSD, ecstasy, alcool et tabac. Produits mortels qui nous donnent du rêve pour échapper au réel, pour peu qu'on en crève. Cocaïne, héroïne, hashish, marijuana, mescaline, LSD, ecstasy, alcool et tabac. Produits mortels qui nous donnent du rêve pour échapper au réel, pour peu qu'on en crève.